Rester se dit bleiben. Bleiben. Je reste. Ich bleibe. Ich bleibe. Mis à part quelques exceptions, notamment ces fameux verbes porte-manteaux sur lesquels je reviendrai plus tard, pour il ou elle au singulier et cela, le verbe finit par un T. On retire la terminaison en en de l'infinitif et on met un T. Donc, comment diriez-vous il reste? Bleibt. Bleibt. Bleibt. Bleibt. Il suffit de retirer la terminaison en de l'infinitif bleiben et d'ajouter un T. Encore une fois, il reste? Bleibt. Oui. Bleibt. Elle reste? Sie bleibt. Sie bleibt. Elle reste. Oui. Donc, sie, ici, c'est pour parler d'une femme. Elle. Sie peut aussi vouloir dire vous, le vous de politesse, ou encore il ou elle au pluriel. Quand sie est utilisé dans le sens du vous de politesse ou de il ou elle au pluriel, vous avez la terminaison en en. Sie bleiben. Ça peut donc vouloir dire vous, vous que je vous vois rester, ou bien il ou elle au pluriel reste. Sie bleiben. Tandis qu'avec il ou elle au singulier, la terminaison n'est pas en, mais t. Donc, encore une fois, comment diriez-vous elle reste au singulier? Sie bleibt. Sie bleibt. Oui. En plus du il, et du elle, sie, en allemand, il y a une troisième forme. C'est la forme neutre, celle qui correspond à es, que l'on traduit notamment par « cela » en français. Nous avons déjà rencontré cette forme, par exemple, dans « Es ist gut ». Alors, comment diriez-vous « cela reste » ? Es bleibt. Es bleibt, oui. Et maintenant, comment diriez-vous « tout reste ici » ? Tout se dit alles. Alles. Alles bleibt hier. Alles bleibt hier. Donc, alles, c'est tout, mais tous se dit alle. C'est un pluriel pour parler de tous, tout le monde, alle, sie alle, ou simplement alle. Tous reste ici, se dira alle bleiben hier. Bien, alle bleiben hier. Encore une fois, alle bleiben hier. Alle bleiben hier. Tous restent ici. Mon ami se dit mein Freund. Le mot Freund signifie ami. Freund. Mein Freund. À vous. Comment dit-on mon ami? Mein. Bien. Mein Freund. Freund. Mein Freund. Encore une fois? Mein Freund. Bien. Mein Freund. Donc, mon ami ne reste pas ici. Mein Freund. Mein Freund. Oui. Ne reste pas ici. Bleibe nicht. Bleibt nicht. Bien. Redites-le. Mein Freund. Mein Freund bleibt nicht hier. C'est ça. Mein Freund bleibt nicht hier. Bien. Mes amis se dit meine Freunde. Meine Freunde. À vous. Mein Freund. Non, ça c'est mon ami. Mais mes amis, c'est meine Freunde. Meine. Meine, oui, mes amis. Meine Freunde. Bien, meine Freunde. Donc, mes amis ne restent pas ici. Pour mes amis, on utilise la forme du verbe qui est associée à il ou elle au pluriel. Meine Freunde. Meine Freunde. Encore une fois. Meine Freunde. Meine Freunde ne restent pas ici. bleiben nicht hier. Bien. Meine Freunde, bleiben, c'est la forme pour il ou elle au pluriel. Nicht hier. Et maintenant, nous restons ici. Wir bleiben hier. Oui. Et si vous voulez dire nous restons tous ici, ou nous tous restons ici? Wir bleiben alle hier. Wir bleiben alle hier. Ou wir alle bleiben hier. Wir alle bleiben hier. Wir alle bleiben hier.